Partout, une valetaille à larges galons d'or circulait. Les grandes torchères, comme des bouquets de feu, s'épanouissaient sur les tentures. Elles se répétaient dans les glaces. Et au fond de la salle à manger, que tapissait un treillage de jasmin, le buffet ressemblait à un maître-autel de cathédrale ou une exposition d'orfèvrerie. Tant il y avait de plats, de cloches, de couverts et de cuillers en argent et en vermeil, au milieu de cristaux à facettes qui entrecroisaient, par-dessus les viandes, des lueurs irisées. Les toiseaux de salon regorgeaient d'objets d'art. Paysages de maîtres contre les murs, ivoires et porcelaines au bord des tables, chinoiseries sur les consoles. Des paravents de lac se développaient devant les fenêtres, des touffes de camélias montaient dans les cheminées. Et une musique légère vibrait, au loin, comme un bourdonnement d'abeilles. Les quadrilles n'étaient pas nombreux. Et les danseurs, à la manière nonchalante dont ils traînaient leurs escarpins, semblaient s'acquitter d'un devoir. Frédéric entendait des phrases comme celle-ci. « Avez-vous été à la dernière fête de charité de l'hôtel Lambert, mademoiselle ?»« Non, monsieur. »« Il va faire tout à l'heure une chaleur. »« Oh, c'est vrai, étouffante. »« De qui donc cette polka ?»« Mon Dieu, je ne sais pas, madame. » Et, derrière lui, trois roquentins, postés dans une embrasure, chuchotaient des remarques obscènes. D'autres causaient chemin de fer, libre-échange. Un sportsman contait une histoire de chasse. Un légitimiste et un orléaniste discutaient. En errant de groupe en groupe, il arriva dans le salon des joueurs où, dans un cercle de gens graves, il reconnut Martinon, entre guillemets, attaché maintenant au parquet de la capitale.